Une des circonstances qui grandit en moi ce vague sentiment littéraire m'est encore présente à l'esprit. J'aime à me la retracer quand je me demande à moi-même d'où m'est venu l'instinct et le goût des choses intellectuelles. Il y avait, à quelque distance de la maison rustique de mon père, une montagne isolée des autres groupes de collines. On la nomme, sans doute par dérivation de son ancien nom latin, Mansardus, la montagne de Mansard. Ses flancs escarpés de tous les côtés sont semés de pierres roulantes. Ses cailloux glissent sous les pieds quand on la gravit, avec un bruit de bagues qui se retire de la falaise en entraînant les galets et les coquillages dans leur reflux. Des sentiers étroits, à peine perceptibles et tous les jours effacés par les pieds des chèvres, conduisent par des contours un peu plus adoucis jusqu'au sommet. Là, des roches grises, entièrement décharnées de sol et taillées par la nature, le temps, la pluie, les vents, en formes étranges, se dressent comme de gigantesques créneaux d'une forteresse démantelée. Trois de ces roches sont creusées en niches, ou plutôt en chair de cathédrale, comme si la main des hommes s'était complue à préparer dans ce lieu désert trois sièges ou trois tribunes à des solitaires pour parler de Dieu aux éléments. Ces trois chairs, rapprochées les unes des autres, comme des stalles dans un chœur d'église, forment une façade semi-circulaire qui regarde l'Orient, en sorte que les bergers ou les chasseurs fatigués qui s'y placent et qui s'y assoient pour se reposer à l'abri du vent peuvent se voir obliquement les uns presque vis-à-vis des autres et s'entretenir même à voix basse, sans que le mouvement de l'air dans ces hauts lieux emporte leurs paroles préservées du vent. La vue n'y est libre que du côté du soleil levant. Cette vue est vaste comme sur un horizon de l'océan. Elle glisse sur les collines et les villages qui séparent ces montagnes au lit de la Saône. Elle franchit le ruban d'argent étendu comme une toile qui sèche sur l'herbe, dans les prairies presque hollandaises de la Bresse pastorale. Elle se soulève au-delà pour gravir les flancs noirâtres du Jura. Elle ne se repose que sur des cimes aériennes de la chaîne de neige des Alpes. Là, l'imagination, ce télescope sans limite de l'âme, se précipite dans les plaines de l'Italie et dans les lagunes de l'Adriatique. On jouit sur cette hauteur d'un complet et perpétuel silence. Les bruits des balais ne montent pas jusque-là. On n'y entend que la chute accidentelle des petits coquillages pétrifiés qu'un mouvement du pied fait rouler jusqu'au bas de la montagne ou les imperceptibles sifflements que rend la brise en se tamisant sur les brins d'herbe minces, sèches et aiguës, qui percent les pierres comme de petites lances. Accompagnement doux, plutôt qu'interruption des hautes pensées que les hauts lieux inspirent.